Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus 88.3 FM. Nous sommes aujourd'hui en direct depuis la Caradoc qui s'est installée mercredi dernier sur le parking d'ACM Formation dans le quartier de la Bolière à Orléans-la-Source. Elles nous viennent de Toulouse, Rennes et Angoulême et se réunissent régulièrement autour de ce projet commun qu'elles ont déjà mené à Angoulême, Poitiers, Aunac, Ars et Ville-Jésus. Elles sont toutes les quatre issues du CréaDoc, l'école du documentaire d'Angoulême. Elles apportent avec la Caradoc une démarche singulière pour réaliser des documentaires. Elles vous proposent aujourd'hui une émission, bonjour Erwan, qui dépassera les beaux mots de la langue de Molière. Ces deux heures de programme seront consacrées aux langues qui sont parlées dans le quartier de la Bolière. L'émission qui va suivre, a été réalisée par Marie Legrand, Céline Sampérez-Bedos, Florence Voisin et Élodie Bousquet. La Caradoc, c'est à vous. Attends, c'est que vous êtes enregistré à Radio Campus. Non, donne-moi juste. Yom Jumu'a, marhaban bikum, fi Caradoc à la source. Super, merci monsieur. Et venez vraiment. C'est vraiment une émission, c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde, il n'y a pas de problème, c'est bon. Okay. Il y a pas de soucis. Merci. Salut Flo, si tu oublies de couper le micro. Bonjour à tous, bonjour c'est à bien tous. Nous, on est là. Merci Daniel de nous avoir introduit l'émission. Donc là, nous sommes avec Céline qui est dehors, je crois qu'elle prépare le café. Nous sommes avec Flo à la technique, Elodie qui farfouine et qui cherche un casque et qui a mis le casque. Et donc avec Flo, on va d'abord commencer par vous présenter la Caradoc. Oui. Le projet, qu'est-ce que c'est que cette Caradoc? Cette caravane tout à fait atypique qui date de 1971 quand même. Eh bien la Caradoc c'est une caravane. C'est une caravane. Qu'on transforme en studio radio pour se balader un peu partout et faire de la radio dans des quartiers où on s'installe. Ou dans des villages où on s'installe. Tout à fait. Et donc on l'a par le biais de l'association La Profondeur des Champs, qui est l'association des étudiants du Créadoc, qui a donc acquis la caravane en 2016. Et qui a fait une petite tournée de diffusion documentaire à l'été 2016. Ensuite, on l'a un peu perdu de vue toute l'année 2016-2017 quand même. 2017-2018. Et puis 2018-2019, la grosse équipe que vous voyez ici présente l'a reprise et puis l'a transformée en studio mobile. Voilà. Et on poursuit le projet. À la source. À la source, on est à la source. C'est la première fois qu'on sort de la Charente. Hein. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose, les filles, mais je vois qu'Elodie a le micro. Tu peux peut-être en parler. Oui, mais je veux bien le micro. Oui, je suis contente. C'était loin. C'était le grand voyage de la caravane. Et d'ailleurs on a un petit enregistrement. On va l'écouter, ce voyage. On est sur la route de la source. La source de quoi? La source d'Orléans. C'est un quartier, c'est ça? Hein? C'est un quartier? Là, si on a regardé sur Google Maps, ouais. C'est où? Sur Orléans? C'est au sud d'Orléans? Ah, c'est au sud d'Orléans? Ah, je sais pas du tout, moi j'ai pas du tout regardé. Si on avait regardé, tu sais, sur Google Maps? Bah, je me rappelle qu'on avait essayé de voir la forme. Je sais qu'on a regardé le quartier. Ah, mais on a peut-être pas regardé par rapport au centre d'Orléans. J'ai retenu qu'il y avait la fac pas loin. Et surtout, j'ai retenu qu'il y avait la source nord, la source sud. Et qu'il y avait 20 000 habitants à peu près. Il y a un centre commercial aussi. Excusez-moi, je suis en train de manger en même temps. Je mange un yaourt avec du muesli. Moi, je mange des chips Lay's. Oui, on prend l'autoroute. Et donc, c'est la troisième fois qu'on s'arrête sur une aire d'autoroute pour essayer de gonfler les pneus de la caravane. Parce que les pneus sont quand même un petit peu plats. C'est un petit peu plat et on roule à 110. Donc, j'espère que... Soit on se trompe de route, soit... Pas le là, il n'y avait pas l'embout. Il n'y a pas l'embout. Bou, bou, bou, bou. Et est-ce qu'on peut parler de la situation de Flo actuellement qui n'est pas terrible? Pauvre Flo. Quoi. Donc, Flo, elle est partie de Rennes pour Soignol. Elle est arrivée avant nous. Elle est allée dans un patelin à côté. Il n'y avait pas de bar. Enfin, si, il y a peut-être un bar, mais tout était fermé. Donc, du coup, elle attend dans sa voiture et elle a dit qu'elle allait dormir dans sa voiture et il doit faire à peu près moins 10 dehors. Hein. Et donc là, on craint de trouver Flo congelée dans sa voiture. Voilà. Donc elle sera emmitouflée dans son duvet. Mais bon, on espère que ça ira bien, quoi. Mais donc, demain matin, la source, on sera là. C'est parti. Tu sais, hein ? Oh non, c'est dégueulasse. c'est où qu'on va? C'est où qu'on va? Putain, ça éclaire rien, non? C'est moi qui vois rien. Ah, t'as pas mis tes feux, là? Mais si, j'ai tourné. Ah non. Pardon. T'as y est? C'est un 5. Oh, mais le truc... Putain, mais carrément, mais c'est... Ah oui, oui. Ils sont pas crevés, les pneus? Non, non, non. Mais en fait, quand ça reste, ça fait longtemps, hein, l'air de rien. Ça fait 3 mois. Ouais, quand ça roule pas. Oui, oui. Mais alors là, on a mis 3. Ouais. Mais on va juste vérifier que c'est pas trop. D'accord. Oh, putain, un 5. Non, un 5, par contre, pas, c'était sous. Ah oui, c'est carrément. Mais les deux étaient sous-gonflés. Ouais, et je me sais plus, moi, si c'est 2, 5 ou 3. Ouais. Ah, ah ouais, une caravane. La pression varie entre 3 et 4,5. Ok, donc on a mis 3. Vu que c'est des petits pneus, c'est idéal. Ouais. Donc voilà, je voulais être juste sûre qu'on soit pas hors. Bah, là, on est bon. Là, on est bon. Ça, ah. Bon, voilà. On a gonflé les pneus. Bon, mais ça, c'est bien. Oh là là. Bonne chose. Oui, oui, oui. Me voilà, me voilà. Donc, je vais vous présenter l'émission. Et donc, dans un premier temps, on l'a déjà dit, on a été accueillis par l'ACM. Donc, je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a des personnes ici présentes qui vont pouvoir nous en parler mieux que moi. Et après, ce qui s'est passé, les quatre filles qui venons de loin avec notre caravane, après bien, bien des déboires, on a toutes développé des dispositifs, en fait. Donc, le premier qui va être présenté, c'est celui auquel a participé Céline. Et c'est pareil, il y aura une explication de cet atelier après. Donc, je n'en dis pas plus là. Avec un enregistrement d'Amandine et de Aïda aussi, après, qui a montré un objet. Donc, vous en saurez plus tout à l'heure. Après, on va présenter mon dispositif. Moi, je suis allée au marché, comme on travaille sur la question des langues. Eh bien, il y en avait plein là-bas, donc j'ai écouté avec toutes mes oreilles, je les ai multipliées. Voilà, vous écouterez tout à l'heure, un peu de musique. Ensuite, l'atelier auquel a participé Marie, Visa Plus, c'est l'intitulé du dispositif, et vous en saurez plus tout à l'heure. Après, ensuite, il y a Véronique et Virginie, les deux V, on les appelle, qui vont venir parler de ce fameux dispositif. Et le dernier dispositif, c'est celui de Florence, qui est allée chez quelqu'un, chez Aziza, apprendre sa langue. Alors là, vous allez voir comment ça s'est passé. Même nous, on a hâte de découvrir. Apparemment, ça y est, elle est au top. Et Aziza viendra en principe, c'est ça? Ouais, voilà. Elle arrivera plus tard, elle n'est pas encore là. Et on terminera, voilà. Mon dispositif, il est divisé en deux parce que j'ai enregistré au début du marché à 7h du matin et à la fin du marché, donc ce n'est pas les mêmes sons. Vous verrez, c'est plus ou moins calme selon les heures. Vous verrez par vous-même. Et on va terminer par un petit jeu. Et on espère qu'il y aura encore du monde pour... il faudra trouver les langues, parler. Donc, on teste votre oreille, surtout, à tous et à toutes. Et voilà. J'ai hâte. Allô ? Allô, Céline ? Oui, c'est moi, bonjour. Donc, nous avons avec nous le directeur de l'ACM, ainsi que Amandine, qui est une des formatrices. Et nous avons aussi avec nous Durata, qui est une des personnes qui était... Enfin, une apprenante, hein, c'est comme ça qu'on dit dans l'atelier d'Amandine, qui a fait une formation pendant 3 mois. Et voilà, mais peut-être qu'on va commencer d'abord, peut-être pour essayer de voir un petit peu, que vous nous expliquiez, Abder, qu'est-ce qui se passe à l'ACM, Qu'est-ce qu'on fait dans ce centre? Oui, bonjour. Donc, c'est marrant de vous entendre parler en disant l'ACM. Pourquoi? L'organisme de formation s'appelle ACM. Ça veut dire Accès aux clés de la modernité, qui est une association loi 1901 qu'on a créée au sein du quartier de la Source, en plein milieu du quartier, en 1991. On est parti sur la logique de accès aux clés de la modernité et on s'est dit que pour permettre à la population diverse et variée que nous avons sur le quartier de pouvoir accéder à cette modernité, bah ça passe par l'apprentissage de la langue française. Et c'est le meilleur vecteur d'intégration d'abord. On a animé un réseau bénévole d'alphabétisation et puis après, on a commencé à négocier des actions de formation. On s'est déclaré organisme de formation. Et petit à petit, depuis maintenant 29 ans, ACM Formation a pris sa place en plein cœur du quartier pour pouvoir continuer à accompagner et être à disposition des habitants du quartier avec toutes les modernités possibles au fur et à mesure les choses évoluent. Maintenant, on est à l'ère du numérique, on est à l'ère, mais on continue à la fois à travailler sur l'apprentissage linguistique et le renforcement des compétences des gens, et en même temps, des ateliers informatiques, le pro-numérique et tout ça, pour essayer d'aller le plus loin possible. Ok. Vous savez à peu près combien de personnes sont passées depuis que ça a ouvert depuis Combien de personnes ont été formées à peu près? On travaille actuellement avec l'Office français d'immigration et d'intégration et on a le marché régional. Donc, toutes les personnes qui arrivent en région centre d'ailleurs, de leur pays d'origine, doivent passer par nous pour 4 journées de formation obligatoire dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Ce qui fait que ça brasse du monde. On intervient sur tous les chefs-lieux de département de la région centre. L'année dernière, on a eu 6 800 personnes qui sont passées en formation à ces informations. En plus de tout l'apprentissage linguistique, de toutes les actions d'insertion sociale et professionnelle, on avait ces journées obligatoires, on les a toujours. Cette année, on risque de dépasser les 9 000. On a déjà dépassé les 1 800 000 heures de formation assurées par ces informations tout le long. Okay. Alors vous parliez des journées obligatoires et il y a des ateliers. Par contre, ce ne sont pas des ateliers obligatoires. C'était l'atelier d'Amandine qui est un atelier... C'est les ateliers de savoir de base. Oui. Et elle est mieux placée pour en parler parce que c'est l'animation des réseaux bénévoles et de continuer cette dynamique associative en plein cœur du quartier en disant aux gens... Venez, venez apprendre, c'est gratuit. Vous avez des gens pour vous accompagner, renforcez vos capacités. Et là, Amandine peut vous en dire plus. Donc, Amandine, ouais, qu'est-ce que... Alors bonjour à tous, moi je suis Amandine, je suis formatrice à ACM Formation. Je m'occupe du réseau bénévole et aussi je donne des formations de français langue étrangère. Comme la formation hier dans laquelle est intervenue Céline. Hier, c'était une formation un petit peu spéciale qui a commencé en septembre. Et c'est une formation langue et culture, avec un financement notamment de la DRAC. Et dans cette formation langue et culture, nous avons travaillé avec un groupe de 12 personnes, dont 9 originaires du quartier de la Source, 10 femmes et un monsieur. Depuis septembre, on a travaillé sur les lieux ressources dans la ville. Donc on s'est déplacé pour aller poser des questions dans des lieux ressources tels que le CIDFF, le planning familial, la ressourcerie, le théâtre d'Orléans, pour n'en citer que quelques-uns. On a posé des questions, enfin les apprenants ont posé des questions en français et puis on a filmé et enregistré grâce au soutien de Radio Campus pour ensuite faire des reportages qui seront édités sur un DVD à l'intention des futurs habitants, des futurs primo-arrivants qui arriveront dans le quartier et qui n'ont pas cette information. Et c'est dans ce cadre-là, comme on est déjà un peu familiarisé avec la radio, on n'avait pas peur de prendre la parole dans le groupe, que la Caradoc est venue nous voir hier matin pour nous poser des questions. Voilà, avec Céline. Avec aussi toute l'équipe de la Caradoc. Oui, parce qu'on a travaillé aussi du coup avec le groupe Visa Plus. Mmh. On a fait 2 groupes d'ateliers, mais bon, qui viendra, Virginie et Véronique viendront un peu plus tard dans l'émission. Et avant de passer à ce fameux atelier, moi j'avais quand même une question pour tous les deux, parce que vous travaillez au quartier de la Source, vous faites pas mal de choses pour ce quartier. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que vous y vivez? Comment vous percevez ce quartier? Quelle histoire vous avez à nous raconter dessus? Écoutez, un parcours un petit peu atypique. Moi, je suis arrivé avec mon baccalauréat du Maroc pour faire mes études à l'Université d'Orléans. Et je suis resté, j'ai finalisé toutes mes études ici à Orléans, j'ai fait Villetaneuse, je suis revenu à Orléans. Et puis, le destin a voulu que je m'enracine à Orléans, et à Orléans-la-Source principalement. Ce qui fait que j'habite à 500 mètres du centre de formation, et ça fait 40 ans que je suis habitant de la Source, donc j'ai vu la Source grandir au fur et à mesure. Et j'ai vu toutes les difficultés que rencontraient les populations, militants de l'Union nationale des étudiants du Maroc, au début comme l'UNEF sur le campus universitaire. Et puis, donc l'enracinement et croire dans la capacité de chaque être humain à se développer, à être meilleur que lui demain. C'est ce qui a fondé la création de cette structure que je suis en train de gérer depuis 30 ans. Parce que du coup, quand vous êtes arrivé, vous ne parliez pas français, vous parliez français. La difficulté que j'ai rencontrée, et ça, c'est la problématique des langues qui se pose, c'est que quand je suis arrivé en France, j'ai étudié le français au Maroc, mais je parlais le français de Molière. D'accord, oui, c'était pas le français châtié. Je suis arrivé ici et je me rappelle les copains français que je me suis fait au fur et à mesure de mes études, quand je les entendais parler de trucs ou de machins ou de chouettes. Mais qu'est-ce que c'est ? Je leur posais la question, mais ça veut dire quoi ? Et je les entendais rire parce que je n'appréhendais pas le parler français en France. Et ils me reprochaient toujours de parler un français qui n'était pas normal. Et ça a été difficile à acquérir ou vous ne l'avez jamais acquis au final, ce français familier, entre guillemets ? J'ai fini par dire truc, machin, chouette. Et ça, c'est la complexité, c'est d'arriver à s'en défaire maintenant pour revenir au français vraiment de Molière. Mais bon, c'est vraiment un processus d'acculturation. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans en France, quand je suis arrivé, je réfléchissais en français et je traduisais. Je réfléchissais en arabe, marocain, et je traduisais en français dans ma tête avant de donner la réponse. Au bout de 10 ans, j'ai repéré le fait que j'ai basculé. Je rentre au Maroc, je réfléchis en français et j'essaie de traduire en arabe. C'est-à-dire que j'ai basculé dans une dynamique d'intégration un peu plus forte. Côté français. Il paraît aussi qu'il y a les rêves pour ça, je crois. Quand on connaît bien une langue, on commence à rêver dans cette langue. Oui. Vous rêvez en arabe ou en français ? Je rêve dans toutes les langues. Parce que vous savez, la difficulté ou peut-être la chance que nous avons à ces informations, c'est avec le dispositif de l'Office français d'immigration et d'intégration. Quand les personnes ne comprennent pas la langue française, et comme les journées doivent être traduites, transmises en français, on est obligé d'aller chercher des interprètes qui parlent la langue des personnes qui arrivent, dans leur langue d'origine, et qui fassent la traduction, l'interprétariat, en français. Ce qui fait qu'on a accumulé, on a un réseau d'une cinquantaine d'interprètes dans toutes les langues. Et quand on vous dit, mais Monsieur Gbabra Abder, on a besoin du Dari, ou on a besoin du Tigrina, ou on a besoin de l'Oromo, c'est la dernière langue qui est apparue, on cherche un interprète en Oromo, si vous en connaissez. Non, pas du tout. Donc, on se démène, nous, pour aller trouver des interprètes dans ces langues-là. Donc, si vous avez besoin d'interprètes, nous avons dans toutes les langues. N'hésitez pas à nous en demander. Et donc, les entendre s'exprimer dans leur langue d'origine est un plaisir. L'oromo, vous savez d'où ça vient ? C'est une langue qui vient d'où ? L'oromo, c'est... Oromo, pardon. Oromo, c'est entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Okay. Comme le Tigrina qui vient de l'Éthiopie. Oui, et du coup, peut-être Amandine, toi, tu habites au quartier de la Source ? Non, pas du tout. Et je n'ai pas fait mes études non plus à l'université de la Source. Donc moi, je connaissais la Source parce que j'étais habitante de l'agglomération. Je suis née à côté d'Orléans et j'y suis venue pour le travail. Et j'ai découvert ce quartier, j'ai découvert sa richesse. Et depuis que je travaille à ACM, j'ai fait de très belles rencontres avec les gens. J'ai découvert des langues que je ne connaissais pas. Et voilà mon rapport avec le quartier, un rapport de cœur. Ok. Et donc Durata, là, qui est présente avec nous ? Oui, Durata habite la Source. Oui. Oh, wow. On le rapproche. Bien près de la bouche. Encore plus. Plus comme plus. Ça ? Plus. Oui, voilà. Rapprochez-vous. Ah. Oui, non, c'est... bonjour à tous. Je m'appelle Durata. Je suis albanaise. J'arrive avant septembre 2015. J'habite avant 7 mois à Blois. Maintenant, j'habite la Source, au long de la Source. J'ai 4 enfants. Mon mari est mort beaucoup avant. Et je commençais la langue française d'ACM. Je suis beaucoup contente d'ici pour prendre langue française. Et c'est tout. Grazie. Merci. Et vous, Durata, est-ce que vous vous rêvez en albanais ou en français? Est-ce que vous vous rappelez de vos rêves d'abord? Langue. Oui. Quand vous rêvez, en quelle langue vous rêvez? Pour moi, un peu très, très difficile pour parler langue française, mais non jeune, et un peu très difficile. Mais pour ma fille et pour mon fils, il commençait l'école pour mécanique. Je finis très ans l'école. Maintenant, je fais 3+1. Il commençait les blois. Il est plus jeune, 20 ans. Maintenant, il fait 20 ans. Pour mon fils, très difficile pour le travail et pour toutes les choses. Mais pour moi, vraiment, très, très difficile. Mais j'espère qu'on comprend, mais pour parler un peu brutal, ça va venir, mais un peu difficile. Mais avant, très ma fille, je commençais les langues françaises ici à CM. Tous les trois, je gagnais les cours de ACM à DU. Et maintenant, on travaillait tous les jours. Et ce quand elle reste à la maison chez sa fille, ses petites filles, et Thérèse, elle commençait l'école pour Estragnone. Et c'est tout, grazie. Merci beaucoup. Non, grazie. moi, avant, j'habite 7 ans et demi à Italie. Vous parlez italien. Quand moi, je parle, mi riesco a parlare un peu italiano. Oui. Et c'est tout. Merci. Justement, par rapport à la question des niveaux, Amandine, Comment ça peut se passer dans un groupe quand il y a plusieurs niveaux avec des gens qui maîtrisent un petit peu quand ils arrivent, qui ont des rudiments, d'autres qui n'en ont pas? Comment tu fais pour animer un groupe avec ces différences-là? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, bien sûr. Alors, normalement, à ACM, nous faisons des groupes de niveau. On reçoit la personne lors d'un entretien pour un positionnement linguistique, on discute avec la personne pour recenser ses besoins et on lui fait faire des exercices pour déterminer son niveau tant à l'oral qu'à l'écrit. Mais là, la formation dans laquelle tu es intervenue hier, Céline, c'est une formation particulière puisqu'elle est axée sur l'oral. Donc, on avait des niveaux de langue très différents dans cette classe. Il y avait des personnes qui ont un niveau de langue A1, ça c'est notre jargon à nous, d'autres A2 et d'autres B1. Et malgré ces différences de niveau, ça s'est très bien passé puisque chacun a pu avoir une place, soit pour poser les questions, soit pour écrire les questions en amont, soit pour tenir la caméra, tenir l'enregistreur. Donc chacun avait sa place et chacun a pu évoluer selon son niveau. Je pense que Durata aussi a pu voir ça, elle a appris à poser des questions, à être plus à l'aise dans la langue française. Est-ce que c'est vrai, Durata? Oui, merci. Oui, je comprends un peu plus ou mieux, c'est avant. Et moi, j'ai une question à vous poser. Et vous connaissiez les personnes du groupe avant l'atelier avec Amandine? Oui. Les personnes avec qui, les 10 personnes, c'est ça? Vous étiez 11? 11, 12. Vous connaissiez personne? Oui. Vous connaissiez... Avant? Non. Avant? Non. Non, moi, non, y connais avant. Maintenant, qu'on commençait à travailler les cours de français ici, je y connais ici. Non, pas y connais rien du tout. Non, toutes les personnes d'un autre pays. Moi, j'ai albanais et autres à Marrakech, syrienne, tchétchène, espagnole. Oui, un autre. Non, y connais. Ah, et est-ce que vous pensez vous revoir peut-être après? Non, pardonne-moi, non pas la bia, mais c'est pas la bia. Moi, je vous comprends. Oui, vous d'accord, comprend. D'accord. Oui, oui, merci beaucoup. Oui. Et après, oui. Vous pensez voir les personnes après que oui. vous avez rencontrées? Vous allez vous revoir? Rester amis oui. après l'atelier? J'espère, c'est après nous habitons ici à Cantier de la Source. Et j'espère que nous restons amis. Mm-hmm. Et quelquefois, aller pour un café, on fait une belle passagiate italienne. Oui, et comme ça, j'espère. J'espère. Mon préféré à janvier, je préfère pour prendre les cours ici des Français. Mais c'est pas très très mal. Et non, m'y comprend rien du tout. On vous comprend, Jurata. On vous comprend très bien. Et questo pour moi un peu difficile, mais quand moi je aller pour un rendez-vous, pour une quelque chose, pour un fait, une quelque chose, une chose. Moi, non aller de seul, rien. Venga avec moi, ma fille, mon fils. Et comme ça, un peu difficile quand une personne non aller de seul pour faire les démarches. Oui, faire chose pour rendez-vous et pour quelque chose. Et je fais sempre comme traducteur avec un avocat. Comme ça, merci. Mais merci à vous. Mais en tout cas, du coup, moi, ça m'intrigue un peu de savoir qui tu as pu rencontrer hier, Céline. Donc, je lance un petit jingle. Puis après, j'espère que tu vas nous raconter un peu ton expérience. Scene 1, Apple, take 1. Caradoc La Source, première. Première, pourquoi je dis première? Parce qu'on est les premiers, je sais pas, on n'est pas les premiers, mais on ne sera pas les derniers non plus. Caradoc La Source, 88.3. Alors, donc, coucou, j'en reviens. Donc, hier matin, j'ai été accueillie par le groupe de Amandine. Et en fait, mon idée, c'était de faire une immersion en fait, dans cet atelier. Et j'avais demandé au préalable aux personnes si c'était possible qu'elles viennent avec un objet qui était important pour elles et de parler de cet objet. Je m'étais dit, ben, ça peut être l'occasion voilà, de rentrer un peu en contact et puis faire connaissance, comme ça. Et puis, en fait, c'était assez difficile puisqu'il y a beaucoup d'objets qui étaient liés en fait, à des histoires forcément intimes et personnelles. Et donc, en fait, il y a eu pas mal d'émotions en fait, pendant ce moment-là. Donc, on a arrêté peut-être de parler des objets, on est allé vers d'autres modes de communication. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que l'atelier, c'est vraiment. Enfin, il y avait quelque chose de très chaleureux. Je trouvais qu'il y avait vraiment un groupe qui était très, très vivant. Et vraiment, enfin, on sentait qu'il y avait une belle dynamique de groupe avec vraiment des gens qui se connaissent bien, qui s'entraidaient les uns les autres. Quand il y en a un qui n'arrivait pas enfin, à dire quelque chose, ben, les autres le soutenaient. Et ben, je trouvais ça vraiment, vraiment très chouette. Donc, ben, du coup, là, on va juste écouter un petit montage que j'ai fait de différents moments de cet atelier. Et on va entendre effectivement que ça parle plein d'autres langues et pas que le français. Je vous ai jamais entendu parler dans votre langue. Parce qu'à chaque fois, parlez français. Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour. Donc, est-ce que c'est possible d'écouter un petit quelque chose dans votre langue? C'est possible? Bonjour, je m'appelle Ritaj, Alain Esmeritaj. On appelle Taekwondo. Moi, j'aime le Taekwondo. Moi, je parle 4 langues. Je m'appelle Najat, je suis espagnole. Je suis arrivée en France, ça fait 2 ans. Salam alaikum, Anna Najat. J'étais là en France à 10 ans et j'ai une nationalité espagnole. Me llamo Raya, tengo 8 años, vengo de España, he nacido el 2011. السلام عليكم انا نش نجات عايشه في المغرب 10 سنين وصغدا اسبانيا الى غاي 10 سنين قيمه دني 20 عام وصغدا دانيتي فرنسا عام روخا تقريبا عامين روجباش بوجو نام حمرا خالتي عراق جو مابيل عمر جو سوي عراقي اشانتي خوش عالم زور سباس که دم آوی باید که بودم. Je suis très content. On a ensemble en ce moment. Merci beaucoup. زور سباس. Bonjour, je m'appelle Amandine. Buenos dias, me llamo Amandine. Et je suis la formatrice de français. Soy la profesora de francés. Et je suis très contente d'avoir travaillé avec le groupe sur le projet. Y estoy muy contenta de haber trabajado con el grupo en el proyecto. Bonjour, je m'appelle Zaina, je suis russe, d'origine tchétchène, je suis mariée, j'ai 3 enfants, à mon pays, je travaille à l'école, je suis professeur à l'école. Здравствуйте, меня зовут Зайнаб. Я имею гражданство российское. Я чеченка. Я замужем, у меня 3 детей. На своей родине я работала учителем начальных классов. Je peux bien parler tchétchène parce que je suis origine tchétchène, mais je не у Казахстан. Et je suis mariée à Чечене. И как выучила язык. Apprend langue à Чечене. И après venir ici. Vous parlez казак? Un petit peu, oui. Parce que turc и казак même chose un petit peu. D'accord. Oui. Parce que à l'école langue казак, а казах у Казахстан. Oui. И je pas bien parler чечен. Compris, но pas bien parler. Pour moi, c'est compliqué de parler. Et à la maison, je parlais russe avec mes enfants. Et mon mari dit comme ça, ah, pourquoi tu as toujours parlé français russe? Pourquoi pas parler tchétchène? Qui c'est qui a amené un objet alors? Vous, Omer, non, vous n'avez pas mis, non? Oui. Najat, Iman. Oui. Zera. Oui. Zaina. Raga. C'est un dictionnaire. Donc, français et russe. Comme ça. Mais c'est apporté pour moi. Oui, c'est un dictionnaire. Oui, c'est un dictionnaire. Oui. Parce que ma soeur, elle est finie fac, université, langue française. Et il est mort et mes nièces donnaient pour moi. Et c'est comme ça. Et donnaient pour moi son portefeuille. Et maintenant, c'est abîmé, mais c'est partout pour moi. Ce n'est pas utilisé et comme souvenir, et c'est comme ça. Toujours. C'est partout pour moi, parce que j'habite ici. Vous les avez depuis longtemps? Vous les avez depuis longtemps, ces objets? Oui. Oui, oui. Oui. Il est décédé en 2006. Oui. Et après la guerre, il est toujours malade. Il est parti avec Moscou, clinique. Et après venir en Tchétchénie, il est mort dans le train. Là-bas. Les miennes, c'est donné pour moi, tout le sang. C'est un partout pour moi. Et parfois, je regarde et je regarde. Langue française, j'ai utilisé comme ça à la maison. Je regarde parfois, c'est partout pour moi. Comme ça. Vous avez amené une tasse aussi. Ça, c'est votre tasse aussi, là, parce que vous buvez le thé dans votre tasse. Là. Oui. Tasse à ce thé ici. D'accord, mais vous l'amenez chaque fois que vous venez à l'atelier, vous venez avec cette tasse? Parfois, oui. Tous les lundis, tous les lundis. Oui, oui. La oui. tasse. Parfois, oui. Oui. Et oui. pourquoi vous amenez cette tasse? Parce que c'est joli. Oui. C'est joli. Son chocolat et c'est Sophie Yo. J'ai dit, je m'appelle Safia et je vais à l'école. Et Safia, c'était quelle langue? C'était tchétchène. En russe, Safia? En russe. Privyet, c'est Safia Yo. Il y a Ido Shkole. Bonjour, je m'appelle Iman. Je suis syrienne. Je reviens en France en 2016. Ana marhaban, ana ismi Iman. Laqad ju'tu min Souria fi 2016. Bonjour, je m'appelle Aïda, je suis irakienne min Araqim la 2015 wa hatumata France. Wala takhom jehesh twa lebar koma le mushkila w narahati lewe. استاجت الخوش من ليرانا سورس باس جو ام ذرعطا يا مالبانيسي كامار ن فرانس ن 2015 ذا يتوي ن لون لا سورس البا نو جو ان ناسيليتيت الباني جابيتا لون لا سورس Céline, où es-tu? C'était un beau mélange de langues, non? C'était très beau, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, entendre toutes ces langues différentes. Abder a des choses à nous dire? Oui. Ouais. Sur les langues qu'il a entendues pendant le son. De toutes les langues, et ça, c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, d'arriver à repérer, par exemple, moi je suis originaire du Maroc, et d'entendre la jeune Marocaine dire « je parle quatre langues, le français, l'espagnol, le marocain et le berbère », et entendre l'intonation de sa voix quand elle parle berbère, c'est le nord du Maroc, le Rif, et quand elle parle la langue arabe classique, et quand elle parle en espagnol et quand elle parle en français, c'est tout simplement admirable. Et du coup, où est-ce qu'on pourrait te tester, Abder? Parce qu'on avait préparé un petit jeu comme ça, ouais. Et vous testez tous, d'ailleurs, vous qui êtes dans la caravane, nous avons enregistré des petites phrases dites par les habitants du quartier dans une autre langue, dans leur langue natale. D'accord. Et du coup, on avait l'intention de vous les faire deviner. Quelle est cette langue? Bah, on essaye. On essaye? Alors, je vous en trouve une première. C'est parti. Ouais, dimsonum be kulonge la kenema. Et puis nene bala don fene quoi. Dimsonum be kulonge la kenema, mais nene bala me ateku balika kulonge ke quoi. C'est afghan? Non. C'est afghan, Flo, c'est afghan? Non, c'est pas afghan. C'est pas afghan. Qu'est-ce que c'est? Du bambara. Eh ben oui, c'est du bambara. Wouhouhou. Bravo Amandine. Nous avons la traduction d'ailleurs là si vous voulez l'entendre. Ouais, dimsonum be kulonge la kenema. Et puis nene bala don fene quoi. Dimsonum be kulonge la kenema, mais nene bala me ateku balika kulonge ke quoi. J'ai dit les enfants ils jouent dehors, il fait froid mais ça les empêche pas de jouer quand même. D'accord. Ah, ça, c'est africain. Donc, c'est bel et bien du Bambara, que je ne connaissais pas. D'ailleurs, d'où vient cette langue ? Que quelqu'un sait ? Quelqu'un sait d'où vient cette langue ? Le Mali, Daniel ? Je crois que c'est du Mali. Enfin, parce que ça ne se parle pas seulement au Mali. Il y a des langues qui sont nomades, en fait, qui dépassent les frontières d'une carte, quoi. D'accord. Il aurait fallu qu'il soit là pour nous dire, oui, effectivement. C'est Abdoul Touré, si tu nous écoutes. On te salue. Alors, on passe à une deuxième langue, ça vous dit ? Oui. Ismi Sohaïb, ataytu min Souria. Ana laji fi Faransa. Ça, c'est de l'arabe et c'est de l'arabe syrien. Trop facile. C'est de l'arabe classique. Trop facile. Comment qu'est-ce qu'elle dit ? Souria, moi je reconnais Souria comme la Syrie, la façon de. Donc ça m'a bien aidé. Ouais. Ah non, mais c'est de l'arabe classique, c'est vraiment de l'arabe. Et ce qui est assez intéressant, c'est de. Quand on rencontre. Vous vous baladez un peu sur tous les pays qui parlent la langue arabe, vous allez jusqu'au Soudan. Vous avez des Soudanais qui parlent la langue arabe classique. Vous arrivez dans chaque pays, ils ont leur dialecte à eux, qui peut faire varier un peu la langue, mais la constante, c'est la langue arabe classique. Que vous alliez à Dubaï, en Arabie Saoudite, au Liban, en Syrie, en Irak, et vous arriviez vers la Tunisie, l'Égypte, le Soudan, la Libye, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, vous avez de la langue arabe classique. On arrive à se comprendre quand moi je discute avec eux parce que j'ai étudié en arabe classique au Maroc. Je maîtrise la langue arabe tant que je peux. Mais c'est la même langue, on se comprend. Mais vous rentrez avec eux dans leur dialecte, de leur village, de leur patelin, de leur coin. Vous avez des fois des mots qui vous échappent parce que vous ne les maîtrisez pas. Eux, ils les maîtrisent parce que c'est leur terrain à eux où ils ont grandi, quoi. Je vous mets la traduction. Ouais. Ou vous pouvez nous la traduire. Vous la traduire en arabe. La petite phrase que vous avez entendue là. Ouais. Est-ce que vous voulez entendre la traduction ou vous êtes en mesure de traduire ce qui s'est dit ? Ben, je peux traduire que si tu me remets la phrase, je te la retraduis. On va essayer. Ismi Sohaïb. Je m'appelle Sohaïb. Souria. Ana laji fi Faransa. Et je viens d'arriver en France. Je m'appelle Sohaïb, je suis syrien, je suis réfugié syrien. Je suis arrivé en France en 2017. Voilà. Exactement. Donc, il est réfugié syrien. Ouais. C'était bien ça. Alors, puisqu'on parle des spécificités de la langue arabe, j'en ai un petit dernier à vous proposer. On relance. C'est très court. C'est pas arabe ? C'est pas l'arabe classique. C'est pas l'arabe classique. Je n'ai pas entendu. Ouais, c'est l'Irak. Non, mais je n'ai pas entendu ce qu'elle a ah dit. Ah, ben je pense à l'Irak, voilà. C'est le kurde irakien, cette voilà. Femme est kurde irakienne. Donc ça ne peut pas être de l'arabe. Je comprends que je ne l'ai pas compris. C'est pour ça. Je suis perdue dans les PAD. Et moi, j'aime maman beaucoup, beaucoup. Donc c'était la traduction. C'était la traduction. Oui, oui, c'est Aïda. Mais justement, je t'avais dit que je l'avais rencontrée dans le quartier. Et cette femme-là m'a raconté un peu du coup son histoire et elle m'a dit mais je fais partie du groupe avec Amandine. Et donc voilà, et du coup je t'avais dit tu vas la rencontrer demain. Et je crois d'ailleurs que tu as quelque chose à nous dire sur Aïda. Oui. Oui, oui, en fait, elle avait amené un objet pendant donc l'atelier avec Amandine, et elle a mené un collier et nous a expliqué pourquoi son collier était important pour elle. Voilà, donc c'est ce qu'on va écouter. C'est un collier. Belle-mère, elle a voyagé, acheté pour moi ce collier. Après, il y a 10 ans, avant, oui. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup tous les fois moi regarder ça. Moi, il y a beaucoup pleuré pour belle-mère. il y a bien, il y a très très bien la même maman, la même ma mère. Oui, comme ma mère, moi j'aime beaucoup beaucoup. Ou maintenant moi avec le cadeau pour moi tous les jours avec moi. C'était donc Aïda que nous avons toutes les deux eu l'occasion de rencontrer et une belle rencontre j'ai trouvé en tout cas. Tu l'as pas rencontrée, Elodie, mais toi, tu as fait plein d'autres trucs, je crois, non ? Tu étais un peu à côté, quand même, de là où on était, je crois. Ah oui, un peu à côté. Oui, oui, j'étais à côté. Moi, j'étais au marché. Mais pas loin. Mais pas loin, pas loin. et donc, comme je suis partie du principe, comme on s'était dit qu'on allait parler de la langue, et comme on avait dit que le jeudi matin, il y avait un marché ici... Ben, j'y suis allée. Alors, je suis très fière, je le dis quand même, parce que c'était pas facile, d'y être allée à l'arrivée des vendeurs. Donc, je suis arrivée à 7 heures. Bravo. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Parce que c'était... je suis très contente d'y être allée, d'ailleurs. Et alors, ce que j'ai fait, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que vous allez entendre en fond un peu tous les bruits du marché. Donc, il y a des langues, parfois, qui apparaissent. Justement, c'était ça, le jeu. Et moi, j'ai écrit aussi, par session... tout ce que j'observais, mais de manière un peu... Vous allez voir. J'en dis pas plus. Bonjour, excusez-moi, la place du marché du jeudi, vous sauriez me dire où c'est ? Là-bas, tout de suite... Tout au fond, je vais ? Oui, pas tout au fond, mais tout de suite à droite. À gauche ? Non, à gauche. Oui. À gauche, vous allez encore tout droit, et c'est tout de suite sur votre droite. Il y a deux... vous tournez la première tout droit, vous allez voir à votre gauche. Il y a une rue, il y a un rond-point, c'est tout de suite c'est tout de suite la droite. Tournez à gauche, oui. 10 mètres, 10 pieds. 10 mètres comme ça. Le fond là-bas. Oui. Là, on sortira de droite. Oui. Vous voyez marcher. Vendredi 9h. La fumée sort de ma bouche. Je suis dos au gymnase. De gauche à droite, une jeune fille avec un palmier qui fait une boule aussi grosse que sa tête. Trois voitures traversent mon champ de vision de gauche à droite. Deux voitures de droite à gauche. Une rangée de vendeurs d'objets divers et d'habits jusqu'au fond. Camion blanc, tous en randonnion. Installation. Parasol bleu, vert, jaune, blanc. Face à moi, une construction en béton. Six pieds étroits et un gros pied rond. Je veux bien qu'on me dise après ce que c'est. Plus à droite, deux cheminées d'où sort de la fumée. Petit flux dans la première, gros flux dans la seconde. Une lumière qui clignote. Usine. Soleil à droite de l'usine, jaunâtre. Deux jeunes filles passent juste devant moi, de droite à gauche. Trois voitures sur la route devant moi. Je suis assis sur un banc. Sur le trottoir devant une route à double sens sur laquelle vient de passer une voiture noire. Deux jeunes garçons passent sur le trottoir devant moi de droite à gauche. Une jeune fille en basket blanc. Une voiture noire Volvo de gauche à droite. Plus une voiture blanche. Plus une voiture noire. Un homme chauve à moustache s'arrête à ma gauche. Et regarde derrière le banc sur lequel Je suis assise. Il semble chercher quelque chose. À 50 mètres, devant moi, un portant sur lequel sont accrochés des manteaux noirs à capuche avec poils. Dessous, un grand sac à carreaux bleus, jaunes et noirs. Je décide d'omettre pendant un temps les personnes et les voitures qui passent au premier plan devant moi pour pouvoir regarder plus loin ce qu'il se passe. Caisse noire, remplie de fleurs en plastique colorées. Petite fille portant la même doudoune que celle accrochée sur le portant avec des poils. Son père, doudoune kaki, sort des caisses noires de son camion blanc dans lesquelles sont rangés des objets divers. Dans le prolongement, tout au fond, une des cheminées semble malade. Plus aucune fumée n'en sort. Peu de clients. Moins nombreux à cette heure-ci que les vendeurs. Donc, moi j'ai une question parce que j'ai observé comme quelqu'un qui arrive quelque part, c'était ça un peu le principe. Et c'est quoi ce, vous voyez le bâtiment dont je parle, avec six pieds à côté des usines, c'est le gros. Ah, c'est un château d'eau. Ben voilà. C'est un château d'eau qui fait partie de l'histoire de la source parce qu'il est maintenant protégé, parce que c'est une œuvre qui ne ressemble pas à d'autres. Effectivement, donc j'ai pas noté que c'était un château d'eau. Oui. L'œuvre d'art n'est pas forcément reconnaissable, je veux dire. J'entends qu'on puisse se poser la question. Voilà. Et l'usine à côté, du coup, c'est une usine de quoi ? C'est pour drainer de l'eau chaude. C'est une station où ils brûlent du bois pour réchauffer l'eau qu'ils distribuent à la source. Ça me fait penser à ton histoire, Elodie, il faut que tu nous racontes ça. Tu as vu des gens en de la piscine. De nager en plein air. Oui, alors ça, je n'ai pas l'enregistrement. Mais donc, je suis allée repérer la place, donc ce qu'on entend quand je demande la direction du marché. Hein j'y suis allée la veille. Et la veille, donc, j'ai entendu des gens nager à l'extérieur, quand même. Et ce que m'a expliqué un monsieur, donc j'ai enregistré le son des nageurs en me disant, mais ce n'est pas possible. Je suis vraiment une fille du Sud. Comment ça se fait qu'il y ait des gens qui nagent à l'extérieur à cette saison? Et on m'a expliqué que la piscine olympique était en travaux. Elle est en travaux. Et voilà, et que cette piscine avait été réhabilitée il y a moins d'un an. Momentanément, pour laisser passer la vague de la nouvelle construction de la piscine olympique à venir. Voilà, mais donc j'étais rassurée que ce ne soit pas permanent. Je sais pas, j'ai trouvé ça assez fou en fait. On a des amateurs de piscine qui nagent même quand il fait froid. Ils prennent du plaisir. J'ai pu observer, il y avait plein de buées au-dessus, un grand nuage de buées, c'était très drôle. Bon, bah, puisqu'on a froid, mais qu'on aimerait bien avoir chaud, on va se faire une petite pause, pause musicale. J'ai adoré la transition. Et non, parce qu'on est à l'heure, Florence, donc on ne l'enlève pas. Allez, c'est parti. Mon préféré, mon chaudi. Somewhere. on perd du monde dans la caravane. Amandine s'en va. Au revoir Amandine, au revoir Sabrina. Au revoir Durata. Merci. Par contre, il y a Aziza qui nous a rejoint dans la Caradoc. Bonjour. Donc, nous voilà pour la deuxième partie de cette émission. Et pour commencer, on va parler de l'atelier Visa Plus que j'ai réalisé avec Florence, qui a filé un sacré coup de main à la technique parce qu'on a eu quelques petites galères. Donc, c'était plutôt chouette de pouvoir le faire à deux. Et donc, moi, je suis allée avec le groupe. On est allée avec le groupe Visa Plus, avec Virginie et Véronique. Donc, c'est un groupe de formation qui permet un retour à l'emploi, donc des aides dans les savoirs. Elles montent également une association, un projet collectif, les filles de ce groupe. Oui, parce que ce ne sont que des femmes. Voilà, donc nous, on a réalisé une espèce de table ronde autour de la langue. On a échangé et débattu à ce sujet, donc on avait monté le plateau radio dans les conditions du direct. Et j'ai mixé ça avec les petits chants qu'on a eus à la fin. Alors, monsieur l'ordinateur. Voilà. Alors, tu parles berbère ? Voilà. Ouais, tu es d'origine marocaine. Marocaine ? Voilà. Et je suis née au Maroc. Voilà. Et tu es restée combien de temps au Maroc ? Je suis arrivée ici à l'âge de 12 ans. Et à la maison, tu parles quelle langue ? Français, berbère. Les deux ? Mais plus le français. Pourquoi ? C'est une habitude, en fait, je sais pas. C'est un réflexe qui vient comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas le réflexe aussi ? Je sais qu'on en a discuté hier. Il y a le réflexe de parler dans la langue d'origine quand on est en colère. Il y a les deux, en fait. Il y a les deux qui viennent en même temps. Les deux qui viennent en même temps ? C'est un mix ? C'est un mélange, voilà, c'est un mix. Moi aussi, ça m'arrive. Surtout quand je me suis énervée, c'est ma langue maternelle qui sort plus. D'accord. Alors, c'est quoi, toi, ta langue maternelle ? C'est l'arabe. Et en fait, le reste du temps, du coup, tu parles en français ? Mélange. Hein. En fait, je fais le mélange, les deux. Je fais le français et l'arabe en même temps. Mais pour exprimer plus, je préfère toujours l'arabe. Je me sens à l'aise. J'ai une petite fille. Et tu lui apprends l'arabe ? Oui. À la maison, je lui parle arabe, malgré qu'il ne veut pas parler arabe. Toujours, il me répond en français. C'est vrai ? J'insiste pour qu'il parle l'arabe, mais quand même, elle connaît tout presque. Parce que je la teste des fois, je vois qu'il comprend tout. Ni ni mo mo ta te bechet mo la ma ta bechana et te bechajirana. T'aimes bien ? Ni ni mo mo. Pas trop, mais quand tu étais bébé, t'aimes bien. Parce que Momo, c'est, on peut dire bébé. Momo. Ah ouais. Elle n'aime pas quand je lui dis mon bébé. Dis-moi, je suis une grande fille. Elle n'aime pas. Une furie verte, il courait dans l'herbe. Je la cape par la queue. Je la monte à ces messieurs me disent, trempez-la dans le livre, trempez-la dans l'eau, ça sera un escargot tout chaud. L'exemple, par exemple, que je retourne chez mes parents au Maroc, je vois que des fois, il sort tout ce que moi je lui dis à la maison avec le fils de mon frère. Ça veut dire qu'il enregistre tout, malgré qu'il ne parle pas, mais quand même, il enregistre tous les mots dans sa tête. Comme mon mari, il est français, je parle français avec lui, mais j'essaie toujours de parler arabe pour ma fille, pour qu'il apprenne la langue arabe. Au moins, comme ça, on se comprend mieux que... Non, mais même, ne serait-ce que quand on va au pays, tout ça, c'est important qu'on parle notre langue maternelle. Ouais. Parce que quand on leur dit qu'on parle français, qu'on ne comprend pas, c'est difficile, en fait. Mmh. On est mal vu, en fait. Mais c'est vrai, surtout pour les enfants. Ouais. Parce que nous, comme moi, j'ai mes parents et ma famille là-bas, s'ils retournent, ils ne savent même pas, quand ils lui parlent, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Pour moi, ce n'est pas bien. Moi, j'ai ma fille qui a 18 ans. Et quand elle était petite, on parle que l'arabe à la maison. Parce que l'arabe, c'est beaucoup plus difficile à apprendre que le français. Parce que quand ils vont à l'école, ils vont l'apprendre d'une manière ou d'une autre, le français. Ils vont parler avec leurs camarades, ils vont s'intégrer très, très rapidement pour les petits-enfants. Mais l'arabe, non. Il y a des lettres qu'on ne prononce pas, le ha, le ra. Il y a plein de lettres qui sont très, très difficiles à prononcer pour les petits. Elia. Elia. Bah, oui, j'ai oublié Elia. Merci. Il y a des sons qui sortent par la gorge, il y en a d'autres qui font remonter. C'est très complexe. Bravo, Camille. Et moi, mon mari, il est venu en France. Il n'a pas grandi ici. Pour moi, c'était difficile de parler tout le temps arabe à la maison. Parce que moi, je commence en arabe et je finis toujours en français. Il me reprenait à chaque fois parce qu'il fallait absolument que notre fille apprenne déjà l'arabe vraiment comme il faut. Et maintenant, elle parle très bien l'arabe. Moi, dans le bus, je parle le Comor. Dans le bus, oui, avec Iman. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas envie de que les gens sachent ce que tu dis. Voilà. Bah oui, ça, c'est les Zalifa. Des fois, quand tu dis des trucs, par exemple, je vais te tuer à la maison, tant que tu arrives à la maison, tu vas voir. Mmh. Ça va. Quand je commence à lui dire d'arrêter. Moi, à mon avis, tu les as tués combien de fois ? 99 milliards ? Non, mais c'est, tu vois, c'est ça ce non, truc-là, tu vois, tu vas le dire en ta langue, pour pas que les gens y comprennent. Du genre, attends. Mais c'est ça, pour que personne comprenne ce que je lui dis. Au début, elle me disait, mais pourquoi tu parles anglais ? Mais c'est pas de l'anglais. Et maintenant, elle a compris que c'est les Comores. Du coup, elle comprend, oui, elle comprend, mais elle n'aime pas. C'est l'âge, mais elle va comprendre, elle va commencer à parler bientôt. Mais elle comprend. Et pourquoi c'est dans le bus particulièrement ? Parce que j'ai des choses à lui dire, je veux pas que tu comprennes. Qu'est-ce que tu crois ? Comme la dernière fois, je lui avais promis qu'on va acheter le McDo, comme elle m'a énervée, je lui ai dit, elle ne comprend rien. On ne va pas acheter. Et elle a commencé, si, j'ai dit non. Parce que c'est, comme elle dit à chaque fois, c'est notre secret. Et banga bonje maza junia, amadom drukan, amadom drukan amwana, hauka mwana inu tamaya, vatina imae. J'arrive pas. Iman, elle a compris. Elle commence à se moquer de la vie. Juana vua tishinjia, tizishinjia, noni hundre mavuna. Non, moi, mes enfants, ils ne parlent pas, ils parlent pas. C'est parce que tu leur parles tout en français, je suppose. Non, je leur parle aussi berbère. Il y a des enfants qui n'aiment pas, qui ne veulent pas. Ça dépend des enfants, apparemment. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Pourquoi vous ne parlez pas ? Parce qu'on a peur de faire des fautes et que tu vas te manquer de mots. On s'en fout. Hein. Ben non. Moi, là, je parle le français et le portugais, et avec ma grand-mère, ma mère, quand on est dans la même pièce, on fait un mélange des deux. Ça m'arrive. Mais quand je suis au Portugal, j'ai plus tendance à parler portugais que français. Parce que je suis allée 6 fois au Brésil déjà, et c'est la première fois que je suis allée au Brésil. Oui, c'est la première fois que je suis allée au Brésil que j'ai entendu le brésilien, qui est un peu comme le portugais, mais c'est au terme de la prononciation et l'accent qui est différent, et certains mots différents. Que ma tante me dit, ah, j'en ai marre de traduire, tu vas apprendre le portugais comme tout le monde. Bon, bah d'accord. Donc après, quand je suis rentrée, le mercredi après-midi, j'allais à l'école portugaise pour le parler, l'écrire et le lire en même temps. Parce que j'ai ma grand-mère qui le fait, mais j'ai suivi aussi des cours ici en France. Bah, pour moi, c'est un savoir très important, c'est un héritage de ma famille. Et puis, on revient toujours aux mêmes choses quand on va dans le pays d'origine de nos parents, ne pas savoir comprendre, on a vite des remarques de bah, elle comprend pas, c'est pas parler, c'est dommage, les choses comme ça. Alors moi j'ai toujours été française, j'ai 2 enfants. Au début j'étais petite, j'habitais à l'Argonne, après bah, je suis venue à la source. Bah, moi on me dit que maintenant je sais pas, que j'ai une accent. Et puis, bon, ben non, moi, je dis je suis française. T'as un accent ? Oui. Mais je sais pas. Moi, je sais pas. Est-ce que t'as toujours eu des facilités à parler ? Ou est-ce que c'est... Oui. Avant, j'avais des difficultés pour parler. J'ai bégayé et tout, mais maintenant, ça va mieux. Mais c'est quand j'étais petite, ça. Oui, j'ai travaillé beaucoup, oui. À force de lire et tout ça. Et puis, bon, ben, ça m'a... Peut-être avant, j'avais un peu peur, et puis maintenant, ça va mieux, quoi. Et t'aimais bien les cours de français ? T'aimais bien apprendre le français quand t'étais petite ? Non, pas beaucoup. Ah. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, Pierre-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chantelle est molle, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Toi, t'aimes pas le français ? Si, c'est le travailler, quoi, que c'est dur. Pas travailler. Parce qu'on n'a pas fait de français et de maths depuis des années, c'est pour ça. Hein. C'est vrai que c'est ça pour fait ça que un petit moment qu'on n'a pas été à l'école aussi, puis bon, bah, on a un peu perdu, quoi. Bah, c'est certains mots ouais, qu'on ne sait plus, qu'on a dû apprendre étant petite, et puis on ne sait plus, c'est tout. Hein. Parce que moi, je n'ai pas pratiqué depuis plus de 20 ans, un truc comme ça. Alors, voilà. Mais bon. Est-ce que vous entendez d'autres langues autour de vous ? Oui, oui. Non, pas vraiment, moi, non. Enfin, ça dépend. Non, non. C'est dans le quartier, on change, hein. Là qui parle un peu portugais, je sais pas, marocain, français aussi. Quelqu'un qui ne parle pas français, qui arrive, il y a une vingtaine d'années sur la source, c'était difficile de se faire comprendre. Maintenant, on n'est même pas obligé de savoir parler français. Tout le monde parle. C'est mieux ouais. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour te traduire, pour te dire quoi que ce soit. C'est beaucoup plus facile que c'est beaucoup plus facile qu'avant. Oui, je me suis surprise. Moi, je m'en suis même pas rendu compte à un moment donné. Je rentre dans la boulangerie, salam alaikum. Oh, oui. Pardon, bonjour. Parce que maintenant, il y a des. C'est quelque chose qui devient automatique. C'est il y a 15 ans. Va en ville et tu dis salam alaikum. Va en ville et tu dis salam alaikum. Va en ville, Orléans. Non, dans les boulangeries, dans les mais chez nous, et là, à la source. À la source, chez nous. Enfin, moi, je dis chez nous, je me le suis approprié, hein, chez nous. la source, c'est. Oui, parce que les commerçants, c'est des étrangers. Ils sont tous, c'est pour ça. Ils sont tous des Marocains, ils sont tous des. Ou des Turcs, ou des. C'est des. Mais des nous, quand on est arrivés, moi, quand je suis arrivée ici, c'était pas ça. Hein. C'était tous des. Enfin, c'était tous des Français, quoi, les commerçants avant. Oui, mais moi, quand j'habitais, j'habitais, ma mère, elle habite toujours au même endroit. L'immeuble, quand on est arrivé, il n'y avait que des Français, une Espagnole et une Portugaise. Et là, aujourd'hui, on n'est que des Marocains dans l'immeuble. Mais je dis, moi, une Chinoise. Mais c'est pas bien. Non, parce que c'est comme un, je dirais pas un camp de concentration, faut pas exagérer quand même. Mais on nous a concentrés entre nous, et ça, c'est pas bon. Il aurait fallu avoir plus de diversité de personnes, pas que des Marocains. Dans un puis la plupart des gens... Un clan de Marocains par là, un clan de, d'Espagnols par là, un clan... Non, c'est pas... Et quand, quand vous parlez à quelqu'un de la ville, du genre, vous habitez où ? J'habite à la source, et vous habitez à la source, c'est habite la source, c'est la zone, c'est terrible, quoi. C'est, voilà. Je voulais passer une chanson, mais c'est pas... C'est la وادي يا سيدي والواد وادي عيون عينيا ساقي الحمرا ليا الواد وادي يا سيدي والواد وادي الواد وادي يا سيدي والواد وادي العيون ناما الله والنبي والقران معانا ناما الله والنبي والقرآن معانا Do I? Retour sur le plateau dans la Caradoc, toujours en direct sur Radio Campus 88.3 FM. Et nous avons été rejoints par Véronique et Virginie. Il n'y a que Virginie pour l'instant, je n'ai pas vu Véronique effectivement. Et donc Virginie fume sa cigarette et nous rejoint bientôt. Mais il y a également Aziza qu'on entend justement dans cet atelier, dans la restitution de cet atelier. Donc je sais pas si. Et oui, elle chante aussi, effectivement. Ça fait partie des trois voix qu'on entend à la fin. Oui, Elodie. Est-ce que tu voulais dire un petit mot parce que tu n'avais pas pu expliquer comme tu voulais ton atelier? Non, parce que je me dis que de toute façon, Virginie le fera mieux que moi. D'accord, ok. Donc je préfère me taire et m'abstenir et laisser plutôt la parole à Aziza, qu'on n'a pas encore entendu, à part justement en train de chanter et d'expliquer justement comment elle transmet sa langue à Inès. C'est toi qui parles à ce moment-là? À ta petite fille? Oui. Donc toi, tu parles arabe? Oui, je parle à la maison arabe avec ma petite fille. Et par contre, avec mon mari, bien sûr, sur le français. En français, oui. Parce qu'il ne comprend pas l'arabe. Je suis obligée. Et tu n'as pas essayé de lui apprendre? Il comprend des petits trucs, mais pas grand-chose, en fait. D'accord. Et donc toi, tu fais partie du groupe Visa Plus? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ce groupe? Vous pouvez peut-être nous en parler toutes les deux. Aziza, nous dire ce que tu en penses aussi. Et puis Virginie, nous expliquer un peu ce dispositif, puisque tu en es l'une des formatrices. Tout à fait. Oui, alors le groupe Visa Plus, en fait, à la demande de la région, c'est un dispositif qui est pour l'instant expérimental, donc qui a commencé le 25 octobre et qui va s'achever très, très prochainement, le 23 décembre. Une très belle expérience où, en fait, on a travaillé sur deux projets. Donc là, le groupe était pour les habitants d'Orléans-la-Source et demandeurs d'emploi. Donc on n'a eu que des femmes, nous, sur ce dispositif. 14 femmes pleines de dynamisme. Et d'entrain, elles se sont montrées très courageuses parce qu'on leur a demandé de travailler et sur leur projet personnel et sur un projet en fait collectif qui était la création d'une association. Donc après réflexion, elles ont décidé de monter leur association par et pour les demandeurs d'emploi, qu'elles ont joliment intitulé la source aux ressources. Pas mal. Et après, Aziza pourrait peut-être dire les difficultés qu'elle a rencontrées dans la création du projet collectif, parce que le projet individuel, en fait, c'était essentiellement tourné autour d'entretien, d'accompagnement sur tout ce qui pouvait poser des freins au niveau de l'emploi. Alors que le projet collectif, c'était pouvoir déjà réfléchir à une association, l'objet de l'association, donc c'est difficile. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Et jamais elles ont lâché. Donc ouais, vraiment, c'est des mères courage, on va dire. Et après, l'autre difficulté qu'il y avait aussi, c'est que les statuts, pour beaucoup, comme elles disent, oh, on ne comprend pas, on ne parle pas bien le français, on parle... Eh ben moi, je leur dis chapeau, parce qu'aujourd'hui, les statuts sont faits. On attend la validation de Nadia, qui travaille avec nous sur ce projet de la Ligue de l'enseignement, pour qu'elle nous apporte les dernières corrections. Mais aujourd'hui, les statuts sont faits. On attend sa validation et après s'envoyer à la préfecture et l'association va enfin pouvoir naître. Et je souhaite une longue, longue vie à cette association qui a un bel objectif. Vraiment de... Moi, je vais laisser Aziza dire en quoi consiste cet objectif, parce que c'est elle la première concernée, ça sera un des membres de l'association. Oui, parle-nous un peu de ton expérience, du coup, Aziza, toi, comment tu vois ce que tu as fait avec Visa Plus, avec le groupe, et ce projet d'association, comment vous le voyez aussi sur le long terme ? D'abord, je trouve que l'expérience, déjà, elle est sympathique, parce que franchement, c'était un projet bien. C'était un beau projet, donc ? Oui, c'était un beau projet. Et ça a été difficile ? Il y a eu des moments de mou, quand même, parce que vous êtes trop dur. C'était trop difficile pour nous, surtout. Il y a un blocage de la langue au départ. Mais petit à petit, on a commencé un petit peu de dévoiler ce blocage-là. Mais un blocage, parce que par exemple, là, quand on t'entend, tu parles très bien français. C'est la timidité, peut-être. Hein. Ouais, c'est ça qui est fou. Ouais, parce que c'est assez fou d'entendre le blocage de la langue, alors que il n'y a pas, en fait, de mon point de vue. Hein. Mais en tout cas, les filles du groupe sont devenues des amies. Je veux dire, vous allez poursuivre ensemble le projet, à vous voir. On est tous devenus comme une famille. On s'entend très bien tous ensemble. Franchement, ça, c'est ça le côté positif. C'est comme on se connaît depuis longtemps, mais malgré, on s'y connaît juste pendant la formation de Visa Plus. Et vous allez continuer alors, c'est ça le... Oui, bien sûr. Parce que si vous avez monté l'association, j'imagine qu'il va y avoir des suites. Bien sûr, on va continuer jusqu'au bout. On a commencé pour continuer. Oui, il me semble qu'il y avait l'idée aussi de mettre en place du gardiennage pour les enfants, par exemple, parce que ça fait partie des freins que les femmes peuvent... À long terme, on va faire ça entre nous. Par exemple, si quelqu'un il veut y aller chercher, il a un entretien ou quelque chose, et il a un enfant, il n'arrive pas trop vieux... quelqu'un pour le garder, on peut s'arranger entre nous. Au départ, on va commencer comme ça. Oui, ça fait partie des choses que vous proposez, enfin que vous comptez proposer dans cette association. Oui, voilà. C'est ça. Au départ, c'était leur objectif premier de l'association, mais le problème pour garder des enfants, c'est qu'il y a beaucoup de normes à respecter, d'agrémentation, voilà, à obtenir. Bon, on va le mettre au milieu, comme ça, on va Et Nadia, de la Ligue de l'enseignement, a dit commencer déjà au départ petit pour pouvoir monter. Donc, cet objectif, elles l'ont toutes encore... bien intégré, oui. Et elles ont toutes bien entendu que, oui, à long terme, voilà, le but était de lever le frein principal de toutes les femmes qui sont demandeuses d'emploi, qui était vraiment le problème de garde d'enfants, parce qu'il y a peu de choses. Le problème de mobilité, c'est les deux gros freins. principaux. Et elles vont commencer par des conseils, de l'orientation, de l'aide dans les démarches, parce que pour beaucoup, maintenant, elles connaissent le système associatif et elles se sont fait connaître par tous les partenaires associatifs qu'il y a sur l'agglomération orléanaise. Et du coup, de pouvoir donner, en fait, un peu retransmettre leur expérience. Et ensuite, une fois que qu'elles auront un peu plus, elles seront un peu plus armées dans le milieu associatif. Voilà, certaines envisagent de se former en tant qu'assistante maternelle, d'autres de reprendre leurs études parce que certaines étaient déjà éducateurs de jeunes enfants. Donc éventuellement de faire une équivalence en France. Donc il y a des beaux projets aussi bien personnels. Associatifs qui sont en émergence. Ma collègue Véronique m'a retrouvée. Donc, est-ce que tu vois des choses à compléter, Véro ? T'es douée, Virginie, pour faire les transitions. Ouais, c'est génial. Alors, Véronique, pour prendre la suite, l'essentiel a été dit, effectivement. Je pense qu'elles ont bien identifié, en tout cas, les freins, surtout leurs freins. Que ces freins sont récurrents pour la majorité. Le projet, effectivement, de crèche associative, enfin, dans l'état d'esprit un peu gardiennage, entre guillemets, des enfants, est un réel, réel problème, un réel frein. Elles sont toutes mamans, pour la plupart, donc ont déjà toutes des compétences hein, en tant que maman auprès des enfants. Et le problème, c'est souvent la réactivité ou la disponibilité parce que l'employeur, l'intérim peut appeler aujourd'hui pour une mission demain. Le service social, le service scolaire, le service cantine, le service nounou, le service périscolaire n'auront pas autant de réactivité par rapport à un entretien d'embauche, une journée de forum où il faut être présent toute la journée sans les enfants. Voilà, en termes d'organisation, c'est très compliqué. L'atelier qu'on a fait jeudi matin... comme il y avait grève, il y avait il y avait Inès, ben il voilà. y avait Camille, il y avait il y avait les enfants. ouais, tout à fait. Et c'est assez exceptionnel d'ailleurs parce que en formation, c'est des choses qui se font très très rarement ou très ponctuellement. Donc là, c'était vraiment formidable, même pour elle aussi de sentir que les petits pouvaient être là. Et puis c'était l'école des mamans. Donc c'est incroyable ça aussi. Et c'est aussi laisser des bons messages aux enfants. Donc, c'est une chance qu'on a dans Visa Plus aussi d'avoir cette liberté un petit peu. Alors là, c'était vraiment à titre exceptionnel parce que voilà, il faut des habilitations aussi pour les enfants. Mais on a quand même ACM déjà nous fait confiance et nous donne toutes les cartes. Et oui, on peut faire pas ce qu'on veut, mais presque on a une grande, grande liberté, que ça soit au niveau. Et du coup, ça crée une ambiance par rapport au dispositif de formation traditionnel, beaucoup plus sereine, souple, parce que de par la souplesse, il y a beaucoup de choses où elles n'ont plus de barrières. Mmh. Et du coup, elles viennent beaucoup plus détendues et elles peuvent en plus du coup, se lâcher, exprimer beaucoup plus de choses, beaucoup plus. On prend vraiment le temps d'être ensemble. Et là, on avait un cas concret, du coup, où les dames sont impliquées en formation, ça aurait pu être un emploi, il y a la grève, il n'y a pas les maîtresses, qu'est-ce qu'on fait des enfants ? Et quand je suis au travail, qu'est-ce que je fais ? Comment je peux m'organiser ? Soit c'est une journée d'absence non payée, soit pour X, il y a X solutions. En tout cas, là, au niveau de la formation, l'intérêt était aussi qu'elles puissent, hop, un frein, une solution. Un problème, une solution. Et ACM a participé aussi à cette solution, donc c'était vraiment... Dans le consensus du Visa Plus, hein, de toute façon. Et si on n'avait pas eu cette opportunité-là, elles s'étaient aussi entre elles dit on se débrouillera, certaines viendront, on gardera. Donc il y a vraiment un esprit de solidarité entre elles qui est vraiment très, très beau. Mmh. Et je trouve en à peine 2 mois, c'est magique ce qui s'est passé. Quoi. C'est, Et qui était déjà mise en place avant. Je ne sais pas, Aziza, si tu connaissais déjà des personnes avec qui tu es actuellement dans cette formation. Est-ce qu'il y avait déjà des amis à toi ? Est-ce que vous aviez le même élan de solidarité entre vous, la même entraide ? Non, en fait, je connais sauf une seule dame, parce que c'est ma voisine, c'est elle qu'il m'a prévient de la formation. Le reste, je ne les connais pas. Mais donc, c'est vraiment de nouveaux liens qui se sont créés et une nouvelle. Qui sont créés entre nous. Oui, les trois, car ils ne se connaissaient pas du tout. On ne se connaissait pas du tout avant. D'accord. Et ce qui est assez magique, c'est que ce matin, on faisait un troisième, quatrième, huitième, dixième point de l'avancée de cette formation Visa Plus. Et là, on est au-delà des objectifs. Et ça, c'est extraordinaire. L'objectif, c'était quand même la remise en confiance en soi, l'appropriation de soi, remobilisation, connaissance de ses compétences, surtout. Et au final, on en a déjà beaucoup, au moins un tiers, qui sont en retour à l'emploi, et déjà aujourd'hui. Donc ça, c'est une super réussite, parce que ce n'était même pas le but et l'objectif premier de cette formation. Et ma foi, on a été encore au-delà, puisque certaines ont accédé à un emploi. Bah, félicitations à toutes les filles de ce groupe. J'espère qu'elles nous écoutent, merci. En tout cas. Oui, elles nous feront beaucoup de témoignages, je pense, de tout ça. Oui, oui, oui. Nous, on les a juste accompagnés. Hein. Le mérite, il leur revient. On était juste là pour les guider sur le chemin et le mérite, il leur revient. Voilà. Et du coup, toi, Aziza, tu te sens plus en confiance, tu te sens plus ouverte, tu te sens plus. Ça t'a aidé de ce point de vue-là ? Oui, oui, c'est vrai, vraiment, elle m'a bien aidé cette formation-là. Et du coup, tu aurais peut-être une expérience à nous raconter avec Florence Mais j'ai rencontré Aziza pendant l'atelier avec Marie. Et je lui ai demandé si elle voulait bien m'apprendre un peu d'arabe du Maroc. Et donc, j'ai pu aller la rencontrer chez elle. Et on peut écouter ça. Tu veux ajouter quelque chose, Aziza ? Non, ça va. Vous avez bu le thé quand même ? Si. Un petit peu. Oui, bien sûr. Non, c'est l'accueil. Oui, c'est l'accueil, dans notre accueil, ça. On ne peut pas. On y va. Allô ? Allô ? Oui. C'est Florence. D'accord, ça va. Ok. À tout de suite. Vous pouvez entrer. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non. Vous n'entrez pas ? Ok. Bonjour, rebonjour. Coucou, ça va ? Oui, bien, entre. Inès, c'est ça ? Oui, c'est Inès. J'enlève mes chaussures ? Oui, c'est pas grave, vous pouvez y aller. C'est pas grave. Ok. Non, non, non. Tu veux boire un verre de thé ? Oui, volontiers. Bah, tu viens avec moi. J'ai commencé de préparer. Ah, tu disais que t'avais pas d'objet, mais... T'as quand même... En fait, je ne l'ai pas ramené de Maroc. En fait, oui. J'ai acheté ici à Action. Ça ressemble un petit peu à nos trucs, un plateau qu'on fait le thé. Mm. C'est pour ça, quand je l'ai vu que ça ressemble un petit peu, je dis, je le prends. Parce que pour ramener de Maroc jusqu'à ici... C'est compliqué. C'est compliqué, surtout quand je ne descends pas aux voitures, c'est pas facile. Mm. Parce que je n'ai jamais retourné aux voitures, toujours en avion. C'est pour ça que c'est compliqué pour ramener des choses de là-bas. Mais heureusement, il y a Action, des fois, ils font des trucs, ça ressemble un peu à notre culture. Hein. On peut dire comme le plateau de thé. Comme. Par contre, le thé hier, je l'ai ramené de Maroc. Ah. Parce que ça, c'est pas grand, je l'ai mis dans mon sac. C'est ma tante qui m'a offert, hein, qui l'a acheté pour moi. En fait, d'abord, pour préparer le thé. On prend le théière, on met ici le thé vert. Oui. Au fond de théière. On met un cuillère à soupe de thé vert. Comme ça, moi, je le prends mélangé avec la menthe. Comme j'ai pas de la menthe fraîche, des fois, j'utilise ça quand j'ai plus d'amande. Normalement, on fait avec la menthe fraîche, mais comme je n'ai plus, j'utilise comme ça. Après, on met de l'eau dans... Comment ça s'appelle ? Oui, oui. Ouais, ouais. Et comment tu dis en arabe ? Relay. Relay. Relay, ça veut dire qui chauffe l'eau. L'ma, c'est l'eau. Relay d'l'ma, on dit. Relay d'l'ma. Oui, relay. Relay. D'l'ma. D'l'ma. Oui, relay d'l'ma. Comme je la prononce vite, tu n'entends pas d'l. On dit relay d'l'ma. Dielma ou relay d'ilma pour aller trop vite. Et l'eau, alors, c'est Elma. Elma. Elma, ça veut dire l'eau. L'eau. Ouais. Et après, je mets un petit peu vers, on peut dire, un verre, juste pour le laver, en fait. Parce qu'on n'aime pas faire directement. D'accord. Il faut les laver. Je laisse même pas 30 secondes. Après, je vais le laver. Tu tournes comme ça. Celui-là, je jette. D'accord. Je jette, en fait. Après, on ajoute du sucre. Par rapport à la... On dit le théière ou la théière ? La théière. Par rapport... Comment on dit en... Le bered. En arabe, on s'appelle ça le bered. Le bered. Le bered. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle le bered, mais... Bred. Le bered. Bred. Oui. Bered. Bred. Oui. Bred. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, moi-même, c'est comme ça, on dit le bered. On met du sucre par rapport à la quantité qu'on peut... Par exemple, moi, je vais mettre 2 morceaux de sucre. Dedans. C'est des gros morceaux de sucre. C'est du gros morceau de sucre. Hein. Ce n'est pas du morceau de sucre de café, ça, c'est du gros morceau. Et après, j'ajoute de l'eau. Et je le mets. Sur... Toi, tu sais comment faire, Inès ? Là, c'est ses pas. On les laisse un petit peu qu'ils soient un peu... Bouillir. Ouais. Après, ça y est, on l'arrête. Qu'il boue, en fait. Hein ? Pour qu'il boue. Oui, on peut dire pour qu'il boue. Et la menthe, on dit comment ? La menthe en arabe ? Oui. En fait, chez nous en arabe, la menthe, elle a plusieurs noms par rapport aux régions. D'accord. Par exemple, ma région, comme ma ville de Fès, elle s'appelle l'Iqama. Si tu vas, par exemple, dans le nord, peut-être qu'ils ne l'appellent pas l'Iqama. Il y en a qui les appellent na'na. Tu vois, c'est deux mots différents. Né, né. Né, né. Ouais. Né, né. Ça vient de la gorge, d'un endroit ouais. De la gorge que moi ouais. Je. Né, né. Ça boue déjà. Ouais. Ouais. Tu vois ? Né, né. Mais quand c'est fait, ça fait comme ça, c'est bon. J'arrête. Tu veux une assiette de thé ? Non ? Inès, par contre, elle ne boit pas le thé avec moi, mais le boit quand on va au Maroc, il le boit. Ok. Ici, il ne demande même pas. Si c'est trop chaud, je peux le mettre ici. Khlay. Pas khlay, non. Ra. Avec le ra. Ra. Ra. Ralay. Ralay. Oui. Ralay. Donc peut-être un R devant quand même. RH. RH, oui. Oui. RH. Tu peux dire ralay. Ralay. En fait, nous on dit ralay. Il y en a un autre. On peut dire par exemple, tu peux trouver bakraj. C'est quoi bakraj? C'est la même. C'est le traduire. Ouais. On peut dire ralay d'ilma, on peut dire bakraj. Et là, il n'y a pas l'eau dedans? Si, si. On dit bakraj, on sait directement dans la tête que on met le pour chauffer l'eau. On sait bien direct. Mais on ne prononce pas. Bakraj d'ilma. Dès qu'on dit relay, on n'a pas besoin de dire toute la phrase. On sait c'est relay, ça veut dire relay d'ilma. Bakraj, bakraj d'ilma. Tu vois ? Et bakaraj, ça veut dire bakaraj. Bakaraj. Bakaraj. Parce que. Ouais, tu peux. Ah, j'ai pas le k. Non, le k, c'est pas le k. Bon, d'accord. Ça, oui. C'est le même problème comme ma fille. Ma fille, elle n'arrive pas à prononcer le k. Toujours, il dit k. Ça vient d'où alors le k ? K. En fait. Ka, ka, c'est pas à l'intérieur, c'est ka. Dans la gorge. T'as pas besoin de bouger la langue, ni les lèvres. Tu dis ka. Ka. Ka. Pas ka. Ka, c'est comme tu sors l'air avec ka. Mais ka, non. Ka. C'est comme tu touches le fond de la langue avec la haut. A. Tu dis ka. Ka. Ka. Non. Tu arriveras pas. Ah, j'y arriverai pas. Non, ah. Je pense que c'est trop difficile pour prononcer K. K. Non. Kako, dis Kako. Kako. Kako. Kako. Pas kako. Ka. Audi. Audi, hein? Ka. Non, pas ka. Ka. Dis-lui ce que tu connais en arabe. Tu connais beaucoup de choses, hein? Maman, ça se dit comment? Maman. Salam alaikum. C'est comment que ça se dit? Salam. Salam alaikum. Salam wa alaikum. Salam. Normalement, c'est assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Parce qu'on prononce le A, ça n'existe pas en français. A. Comme moi, je m'appelle Aziza, mais en français, on prononce Aziza. Mm-hmm. Et donc, c'est donc Aziza et Aziza. C'est Aziza. Et moi, je ne le prononce pas bien. Ouais, mais Aziza. C'est pas. Ouais. Aussi, je connais. Okay. Je connais. Chamalik. Chamalik. Chamalik, ça veut dire. C'est pas bien ta part. C'est pas bien ta part, ce que tu as dit, ce que tu as fait, oui. Chamalik, on dit. Chamalik. Tu sais, c'est quoi? Fen. Ah, bravo. Comment? Fen. Elsen. Elsen. Elsen, ça veut dire la langue qu'on a dans la bouche. Mais la langue en général, on peut dire la langue française ou la langue arabe, on dit l'aura. L'aura l'arabia. Ça veut dire la langue arabe. La langue arabe. L'aura l'arabia. Tu vois, c'est deux mots différents. L'aura l'arabia. Vous le feriez Vous feriez une dédicace pour la Caradoc, c'est le nom de la caravane où on fait la radio. Caradoc, dédicace Caradoc. Caradoc, Caradoc. Dédicace de Stanislas. Dédicace de Mourad, ici dans le plateau. Plateau radio. Toulouse, on est ensemble. Ajoutez tous. Stanislas 45 et Lesou sur Snap. Moi, c'est Demba, madame. Ajoutez tous. Y, Jean-Pierre Hélès. Jean-Pierre Hélès du quartier. Mourad 45. Alors, j'étais donc chez. Aziza, comment tu j'aimerais bien le prononcer bien ton prénom comme En arabe comment on la prononce Aziza. Aziza. Aziza. Aziza. Oui, c'est ça. Okay. C'est comme ça. Merci beaucoup Aziza de m'avoir invité chez toi. Non. Mais oui. Merci beaucoup à Aziza. Mais oui. Aziza. Aziza. Ouais. Très bonne professeure, même si j'étais une très mauvaise élève. Non, ça va. T'as déjà appris pas mal de choses. En tout cas, c'était super intéressant. Et donc, on a passé du temps avec Inès, qu'on entendait déjà un peu avant dans l'atelier avec Marie. Et avec toi, on a parlé aussi de comment tu es arrivée ici. En fait, c'était un peu le début de notre conversation, tous ces mots-là, le prétexte du thé pour entendre comment on dit thé hier, comment on dit eau, etc., etc. Mais on est allé un peu plus loin dans ce qui te rappelle ton pays. Par exemple, tu me disais que ce qui te rappelait ton pays, c'était les pavés ici. Pourquoi ? Oui. Certains au centre-ville, je me sens plus... c'est comme je suis à ma ville, comme j'ai grandi dans la ville ancienne de Fès. Ça me rappelait mon enfance, mes souvenirs, surtout, comme on dit, les pavés par terre, ça ressemble à ce qui est là-bas. Franchement, on dirait que c'est là-bas, sauf les bâtiments qui changent, c'est pas pareil. Et comment c'est les bâtiments là-bas alors, à Fès, c'est pas là où tu as grandi style. C'est pas le même style, c'est complètement différent. Parce que là-bas, c'est ancien, c'est style des riades, c'est style des maisons anciennes. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'est trop petit, il y a des petits rues. Attention. Il y a des petits rues, par exemple, il y a les voitures pour ne pas passer. Et tu expliquais aussi que tu avais vécu dans une maison comme un riad. Oui, c'est ça. Et alors, tu disais que tu décrivais le bâtiment. Est-ce que tu pourrais nous le décrire en passant par la porte et en arrivant jusqu'à la terrasse? En fait, le style des maisons là-bas, ils sont ouverts au milieu. Il y a un grand hall au milieu avec des fontaines. Autour, il y a des chambres, on peut dire des salons, soit des chambres, soit des salons. Ça, c'est sur le rez-de-chaussée. Après, il y a le premier étage, deuxième étage. Tous les étages, il y a comme des couloirs. On peut voir ce qui se passe en bas. Et tu sais que c'était très ouvert et très... C'est très ouvert, c'est très lumineux, c'est... J'ai imaginé avec toi ce que ça pouvait être Fès alors que j'ai jamais été là-bas. Et j'imaginais les énormes portes très lourdes. Ouais, il y a des portes qui sont très grandes. Des fois, il faut deux personnes pour la bouger. Et par rapport à ici, qu'est-ce que tu aimes ici par rapport à ce que tu as vécu dans ton enfance là-bas? Par exemple, ici, je trouve que la nature, j'aime bien. C'est ce qu'il manque là-bas. Parce que là-bas, il y a trop de béton. On ne voit pas de la nature, on ne voit pas des arbres. C'est vrai, tellement il y a trop de béton, on manque l'espace vert. C'est ce qu'il manque là-bas. Mais ici, il te manque l'ambiance. C'est mais oui, dans notre côté, c'est l'ambiance de là-bas. On ne peut pas le trouver ici, c'est sûr. Ce n'est pas la même ambiance. Et donc, à partir de notre rencontre, j'ai écrit un texte. Oui. Que tu as traduit en arabe, c'est un arabe littéraire ? Oui. C'est ça ? Oui. Et si tu veux bien commencer à lire, je prends la suite pour en français. Ou sinon, tu commences avec le français, moi je fais la traduction, ce sera mieux. Tu préfères ? Oui, je préfère comme ça, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je commence. Marcher sur les pavés de la ville bétonnée et se rappeler la lumière de Fès. المشي على حجارة المدينة القديمة التي لا يوجد فيها سوى المنازل المتلاصقة بدون أشجار في الشوارع يذكر في ضوء فاس. L'eau qui coule, baignée de lumière à côté de l'eau qui bout dans la théière. الماء الذي يجري وسط النافورة المضيئة بجانب الماء المغلي في البراد. Un bout de porte accroché au mur pour soigner la coupure. مع باب معلقة على الحائط لتعالج جراح الفراق. La renaissance dans le froid d'une petite fille qui mélange la langue et la langue. وولادة طفلة صغيرة في البرد التي تخالط بين اللغة واللسان. Entre l'ennui et le bruit, le lien grandit par la transmission de la langue. والعلاقة تكبر وتتحول ما بين الملل والحركة. Les yeux, les bouches, les cordes vocales s'agitent. العيون والأفوام والأحبال الصوتية تتحرك. Au milieu du calme froid, la famille réchauffe et les terrasses chaleureuses reviennent à nos esprits. وسط هدوء بارد هناك حضن عائلي يدفئ وأسطح دافئة تأتي إلى المخيلة. Et comment on dit ? Merci, c'est Choukran. J'avais peur de me tromper. Choukran. Choukran. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aziza. Mais oui, je suis perdue, je te redonne le micro, Marie. C'était super beau. Qu'est-ce Moi que aussi, vous en pensez? Très bien. C'est pratiquement de la poésie, mais c'est beau. C'est beau, on se laisse voyager comme ça, on se laisse porter, à entendre la langue arabe et avec ses consonances, avec ses sons. Et en même temps, à vous entendre avec une voix si douce, on est impressionnés. Bah, bravo à toutes les deux. On est tous émus, en fait. On est tous émus. Il faut passer à la suite. Élodie, il faut quand même que tu prennes la relève. Oui. Et alors moi, je voulais... On s'était dit que peut-être je parlerais plus là. Et moi, ce que j'avais... Alors, ça va faire un écho avec ce que vous disiez tout à l'heure. Des différents... Bon, alors, ou peut-être pas, parce que comme je ne parle pas arabe, peut-être si on peut passer le PAD. Parce qu'en fait, quand je suis allée au marché, j'ai eu très froid. J'y suis restée 5 heures. Et donc, il y avait un point sur lequel je me rendais régulièrement quand je ne pouvais plus avec le froid. C'était l'endroit où il y a un monsieur qui vend du thé à la menthe et qui m'a pris sous son aile, qui m'a même fait manger chaud en me disant que la prochaine fois, il fallait que j'amène mes gâteaux. Et donc là, c'est juste une petite immersion qui donne une idée de la démarche que j'avais envie d'avoir. لا مش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا T'as pas compris qu'est-ce qu'ils disent? Ma harb gaar kan el berh daya la coupe de Suisserie el berh. C'est quoi? Il faut pas je comprends. Vous parlez en quelle langue? Arabe. Arabe, c'est lui le berbère, notre c'est Arabe papa, je sais bien. Et toi tu quoi? Tu t'en culif. D'accord. Il y a toutes les langues ici hein. C'est le français le mixte. Et vous comprenez tout ce qu'il y a? Il y a que moi qui comprends pas. Madame, je vous remercie pour la misère. Vous voyez, c'est un abd. Ça, c'est le. Jusqu'à quelle heure vous y êtes? Jusqu'à normalement, jusqu'à 1h30. D'accord. Ah non, je travaille 4 jours par semaine. 4 marchés par semaine. Oui, mais c'est le marché. Je repasse tout à l'heure, hein. À tout à l'heure. Merci. Donc voilà, c'était, ça faisait écho à notre discussion de tout à l'heure. Et donc je vais continuer les pérégrinations sur le marché. Donc on a tout à l'heure, c'est drôle, vous revenez pour la fin. Et donc il est 11h45, je suis dos à la route et à un passage piéton face à l'allée des vendeurs de fruits. À ma gauche, le bâtiment à 6 pieds, je sais maintenant que c'est le château d'eau, et les deux cheminées de l'usine. Un vendeur répète en boucle 50 centimes les poires. Un homme en cheveux gris, quasi marron, se dirige vers le stand des poires et en remplit son sac plastique transparent. À 20 mètres au milieu de l'allée, deux hommes parlent. L'un d'eux porte un jogging Adidas. Un homme en tenue de travail de couleur grise ramasse les cartons et les dépose dans la poubelle. Un homme passe avec un chariot rempli de caisses de raisins. L'homme des 50 centimes a changé de texte. Qui veut la poire, on y va. Une petite fille au bonnet rose et au pantalon noir attend. Une dame en noir, une poussette noire, recouverte d'une protection plastique, range le pied qui dépasse sous la couverture polaire. Une dame à ma gauche, basket rose fluo. Un homme la rejoint. Poussette, couverture rose, chaussette grise. Papier et carton sur le sol. Casquette bleue, chapka marron, foulard bleu, capuche blanche, bonnet bleu, foulard noir, peau ridée, tresse. Calvitie, doudoune saumon. Foulard multicolore, bonnet assorti à l'écharpe noire tachée de blanc. Cabas-roulette bleue, poussette grise, cabas-roulette écossais, beige avec des traits noirs et rouges. Sac cabas, super U, béquille au bras droit. Allée vide. Allée pleine. Parasol vert, parasol rouge. Allée, la poire à 50 centimes. Bonnet rose et chaussures bleu turquoise. Poire, clémentine, olive, banane, protection de téléphone portable. Capuche poilue, visage rond, peau mat, gants verts en plastique, mèche blonde, lunettes noires, cheveux frisés et courts, cheveux lisses, à côté de cheveux attachés. Main dans les poches, à côté de main portant un cajou. Petite fille, à côté de grand sac vert. Ciel gris. Tuyau dans le nez et bonnet angora beige. 50 centimes les clémentines, on y va. nez caché sous l'écharpe. Adolescent à deux. Fin de 50 centimes les clémentines. Main dans la main, gris et gris. On y va, allez, poire, 0,50, on y va. La tomate, 0,50, même la banane, 0,50, on y va. Allez, confiné aussi, on y va, on y va. Allez, 0,55, on y va. On y va, allez, coupez la poire, on y va, la poire. Deux par deux. Allez, même la poire. On y va, même la poire à 0,50, on y va. Allez, on y va, la tomate, 0,50, la banane, 0,50, on y va. Allez, confiné, on y va. Allez, chacune un bonnet rose. Bottes noires. Deux par deux. Un grand frère avec des clémentines dans une main et sa petite sœur dans l'autre. Allez, on y va, 0,50, on y va, on y va. Allez, on y va, la poire, 0,50, on y va. Midi 40, je m'arrête. Donc voilà, c'était une petite image en mots du marché à côté. Et je crois qu'on va devoir rendre l'antenne. Non, c'est vrai? Oui, on va devoir pas trop tarder. On n'a pas le temps de faire écouter. Alors que la caravane est pleine. Donc je ne sais pas si vous avez envie de retenter une petite devinette pour une ou deux dernières langues avant de nous quitter. Oui, si je le trouve, je vais le mettre. Il est là. Attention, vous êtes prêts? Salam alaikum, j'ai un acte. Je me suis trompée de PAD. Alors, le taekwondo, elle me demande, mais je ne l'ai pas. Oui, mais tu donnes la réponse. Ah, pardon. Elle donne la réponse. On peut le mettre quand même. On peut le alors. Vas-y, Marie, tu peux y arriver. Oui, je cherche. En attendant, on je comble. Vous fais dîner autre chose quand même. Bah alors, comble, Elodie, vas-y, je alors, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas mis? Qu'est-ce qu'on n'a pas mis? Ça a l'air pas mal. Alors, quelle langue c'est? On nous dit. Sénégal. Dans le micro, s'il te plaît. Le Wolof, Sénégal. Qui dit mieux? Ce n'est pas du Wolof. C'est du Wolof. Ce n'est pas du Wolof, pardon. Alors c'est l'autre. Ce n'est pas du Soninké non plus. Non. Non, c'est pas le Lingala ça. C'est du Ma. Une langue que je ne connais pas, du Malinké. Ah, le Malinké. Ah, bah, un peu plus rare. Ouais. Alors je ne sais pas qui a pris ce son d'ailleurs. Vous voulez la traduction? Nyea nindeni ya onuna familu ambaragatondamu anye secours populaire anye domni nyuma kela andi tolong ane ana famille be ya nye yoro nyuma baledi awanyal be fola. J'ai dit que je suis là avec mes familles, avec mes enfants. On est en train de manger. On est là avec ce cours populaire. Ici, c'est très bon. Donc, je salue tout le monde. Une dame rencontrée au secours catholique, en fait, c'était le secours catholique, pour un goûter. Elle dit secours populaire, mais c'était le secours catholique. C'est pour ça que je rectifie. Mais c'était un goûter avec des personnes qui étaient là avec leurs enfants qui avaient fait des gâteaux juste avant. Voilà. Bon, allez, une dernière pour te faire plaisir, Flo. Alors, une réponse, on ne l'a pas encore donnée, la réponse, quand même. Je me trompe, il y a eu une fuite ou... C'est quelle langue? Le taekwondo. La langue taekwondo. La langue, taekwondo, ça vient de Du japonais, du coréen... Corée du Sud. Ouais, ouais, c'est, tu l'avais tout à l'heure, ouais. Bravo, on a bravo. Vraiment des super participants. Bravo à vous, on vous applaudit. Et en tout cas, je crois qu'on va déborder, donc il est vraiment temps de rendre l'antenne, les filles. Et notre phrase culte, peut-être ? Notre phrase culte, mais peut-être d'abord, on va remercier quand même ceux qui nous ont accueillis. C'est vrai. On va remercier ACM Formation de nous avoir permis de proposer des ateliers, d'avoir travaillé ensemble, d'avoir rencontré de charmantes personnes. On remercie Radio Campus Orléans et la place, évidemment, c'est vrai. On a la place de parking juste devant le local. On remercie Radio Campus Orléans qui nous a laissé l'antenne pendant 2 heures et qui nous a chaleureusement accueillis. Merci à Daniel de nous avoir choyés pendant ces 3 jours, vraiment. Et Daniel en est à nous compter, quand même. Hein, avant qu'on parte de chez lui, c'est 1, 2, 3, 4, c'est bon. Allez, on y va, les filles. Et voilà, et on remercie toutes les personnes qui nous ont accueillis dans le quartier, qui nous ont répondu. Les personnes du marché. Les personnes du marché. Ah oui, ils étaient super, parce que là, il en manque plein, mais il y en a plein. Tout le monde a discuté. Les enfants derrière Bolière. Oui, il y avait les enfants aussi. Enfin voilà, tous les dédicaces. Tous les enfants du collège. Les sourciens. On remercie tous les sourciens pour leur accueil. Et si dans certaines personnes du marché, il y en a qui écoutent, je suis désolée, j'ai pas pu vous faire parler tous. Excusez-moi, mais je pense à vous. Et en tout cas, je sais pas vous, mais nous, la Caradoc, on l'aime bien. Ouais, oui. Plutôt crevé que de vendre la caravane. Plutôt crevé. À 50 centimes les poires, quand même. Je sais pas combien il y aurait de caravane. Mais non, plutôt crevé que de vendre la caravane. To know, vorrei I want to know, vorrei sapere, vorrei sapere, I want to know, come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi, in scatolati come le acciughe, nascono i bimbi che han già le rughe. I want to know, I want to know, vorrei sapere, I want to know, vorrei sapere, perché la gente, I want to know, non dice niente, I want to know, I Mr. Hyde, I Dr. Jekyll, i costruttori di questi orrori, che senza un volto hanno le case, dove la carie germoglia già. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know. That I fight for the ever, for the fever, the fire, for whatever they have to be, that if for whatever the fever, for the ever party, for the ever the fire.